Le grand Pierrot se lève, le grand matin, le grand Pierrot se lève, met son chapeau sur le côté à la yoyette, il est allé. Met son chapeau sur le côté à la yoyette, il est allé. Beau-père et belle-mère, viens le bonjour, beau-père et belle-mère, viens le bonjour, vous fait donner à la yoyette, il faut parler. Viens le bonjour, vous fait donner à la yoyette, il faut parler.